Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le cinéma iranien. Révolution et création. Avec nous aujourd'hui. Je suis Magali Serre, je suis réalisatrice freelance. Voilà maintenant 8 ans que je réalise des documentaires d'histoire, de géopolitique et aussi d'enquête. Et auparavant, j'étais journaliste. Je travaillais à France Télévisions, à France 3, pour le magazine d'investigation Pièce à conviction. Parmi mes derniers documentaires, il y a eu donc le film « Hissène Habré, procès d'un allié embarrassant ». Que nous avons eu dans l'histoire tout vivante. Tout à fait, sur ce dictateur tchadien qui a été condamné à la prison à perpétuité pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Avec des images saisissantes du procès. Tout à fait. Ouais. Premier procès en Afrique, donc premier dirigeant africain, jugé par des Africains dans un pays africain, donc c'était une première. Et depuis, j'ai réalisé également un film sur la filière des buts de Chaumont. Quand j'entends le mot buts de Chaumont, je dresse l'oreille. Qu'est-ce que c'est la filière des buts de Chaumont ? Alors, il se trouve que 10 ans auparavant, en 2005, j'avais réalisé un long reportage sur la filière des buts de Chaumont. À l'époque, c'était des jeunes qui partaient faire la guerre contre les Américains en Irak. Je dis bien la guerre, puisqu'on ne parlait pas encore de djihad, ou ce n'était pas encore considéré vraiment comme du terrorisme, puisque c'était des jeunes qui voulaient libérer l'Irak, en quelque sorte, contre l'occupation américaine, qui, je vous le rappelle, évidemment, était très contestée en Europe et en France. Donc ces jeunes tentaient de partir en Irak, et il y avait une quinzaine de jeunes originaires des buts de Chaumont qui étaient partis ou qui avaient été arrêtés avant de partir en Irak. Explication du foyer ? Des jeunes plutôt de milieux populaires, d'origine maghrébine souvent, Tunisie, Algérie, Maroc, et qui avaient rencontré en fait un jeune homme comme eux, 22 ans, qui s'appelait Farid Benyettou. Et Farid Benyettou, qui avait un niveau d'éducation supérieur au leur, qui connaissait bien le Coran, soi-disant, a joué le rôle un peu de gourou, en leur enseignant soi-disant, enfin sa vision du Coran, ce qui était une vision très wahhabite et salafiste, une lecture très... très extrême, et les a convaincus de partir en Irak pour se battre contre les Américains. Et il se trouve que j'avais fait ce reportage donc en 2005, et en 2015, le 7 janvier arrive, la tuerie de Charlie Hebdo, et parmi les deux tueurs, Saïd et Chérif Kouachi, je les avais croisés, en fait, j'avais croisé leur parcours en 2005. J'avais notamment rencontré leurs éducateurs, j'avais retrouvé une bande vidéo d'un film que Chérif Kouachi avait tourné avec ses éducateurs, où il était en rappeur, avec la casquette sur... voilà. Donc à partir de là, forcément le 7 janvier 2015, quand tout le monde découvre ce personnage, je suis la seule à le connaître. Et toutes les télévisions, j'ai vu, comme on dit, ma minute de gloire, hein, si je puis dire. J'ai dû faire au moins une centaine de télé, radio, etc. C'était le délire. Et on a décidé, avec la rédactrice en chef de Pièce à conviction, de ressortir les rushs. On les avait toujours. Et on a fait la suite de cette histoire. Donc en novembre 2015, on a sorti un 52 minutes sur cette affaire avec les rushs de 2005 et d'autres interviews qu'on a réalisées par la suite. Voilà. Magali Serre, on va mettre le clignotant, on va écouter un petit extrait de votre nouveau documentaire, et puis on en parle tout de suite après. Spontanément, en novembre 2019, des centaines de milliers d'Iraniens envahissent les rues des principales villes du pays. Des hommes, mais aussi des femmes, qui bloquent la circulation, s'attaquent aux symboles intouchables de leur régime. Mouvement de colère et d'exaspération contre l'augmentation brutale du prix de l'essence après des mois de privation. Voilà plus d'un an que ce peuple est l'otage d'un embargo américain d'une intensité inédite et d'un régime qui ne se soucie que de son maintien. Alors que les autorités ont coupé Internet, de rares images amateurs témoignent de la violence de la répression. Des centaines de morts, des milliers d'arrestations. Il n'aura fallu que quelques jours au régime de Téhéran pour afficher à nouveau sa toute-puissance et se poser comme victime de l'ennemi américain. Yek Tohteriye Amir et... C'est une conspiration très dangereuse dans laquelle ils ont investi beaucoup de moyens. Sous prétexte de la question de l'essence, ils ont pensé pouvoir en profiter. Mais ce complot, grâce au peuple, a été démonté. Voilà un extrait de l'Iran face aux sanctions, le nouveau documentaire de Magali Serre qui est à notre micro. Comment vous est venue l'idée d'aller faire un film dans un endroit où Monsieur Donald a dit il n'est pas question de prendre le moindre contact amical, commercial ou que sais-je avec n'importe quel Iranien, encore que non, il a l'hypocrisie de dire qu'il respecte beaucoup le peuple iranien, tout en l'infamant parallèlement. Alors, c'est pas parce que Donald Trump l'a dit qu'on doit tous se plier au desiderata du président américain. Il y en a plusieurs, vous me le considérez, qui s'y plient. Oui, oui, tout à fait, mais voilà. Pour des raisons financières. L'idée ne venait pas de moi, pour tout vous dire. L'idée venait de mon producteur, Olivier Mille, et surtout de ma productrice iranienne, Katayoun Chahabi. Nous avons eu dans l'Histoire vivante. Qui est un personnage extraordinaire, que j'aime beaucoup, et qui est sous le coup des sanctions et vit les sanctions au quotidien en Iran, et donc a alerté Olivier et moi-même par la suite sur les conséquences de ces sanctions sur la population iranienne. Et à partir de là, on a trouvé l'histoire absolument extraordinaire et on a décidé de préparer un projet pour Arte qui a été assez rapidement accepté, puisque le sujet est effectivement très intéressant. Alors, il y a un argument qui est donné... Je dirais un membre du gouvernement, mais vous préciserez, Magali Serre, qui vous affirme faire un embargo dans un pays qui a autant de frontières tout autour, c'est vraiment tout à fait ridicule. Alors, cette manière de relativiser l'impact de l'embargo relève-t-elle des éléments de langage politique ou d'une réalité, en effet, concrète sur le terrain ? C'est une réalité sur le terrain, effectivement, c'est très difficile de fermer un pays qui a 15 frontières, mais c'est aussi une rhétorique politique. La personne dont vous parlez fait partie de la ligne dure du régime, c'est le directeur du journal étatique, en quelque sorte, en Iran. Et il y a ce discours permanent des membres du régime, de cette ligne dure qui dit « mais peu importe, nous pouvons résister, nous sommes autosuffisants », c'est un discours qu'on entend beaucoup, « nous sommes autosuffisants, nous n'avons pas besoin de l'étranger ». Les Iraniens sont très fiers aussi d'être un grand pays et de pouvoir produire eux-mêmes beaucoup de choses, hein, des médicaments, des voitures aussi, un peu moins bien que les grands constructeurs automobiles internationaux. Mais bon, voilà, il y a quand même une autosuffisance. C'est un grand pays avec 83 millions d'habitants. Donc effectivement, il y a une capacité à faire front qui est réelle. Mais à côté de ça, au quotidien, la population iranienne souffre énormément de ces sanctions parce que ça favorise le marché noir, ça favorise les intermédiaires. Les produits rentrent certes, mais à quel prix ? C'est-à-dire qu'il y a nombre d'intermédiaires pour faire rentrer ces produits et à partir de là, effectivement, les prix augmentent et l'Iranien moyen ou la classe populaire ne peut pas acheter ces produits-là. Donc c'est un système très ambigu parce que finalement tout est disponible, mais les gens ne peuvent pas acheter ces produits. Néanmoins, Magali Serre, vous indiquez dans votre documentaire, vous nous rafraîchissez la mémoire en indiquant bien que l'Iran n'en est pas sa première expérience. C'est que les embargos, ils connaissent. Tout à fait. Les Iraniens ont beaucoup d'humour par rapport à ça. Puisqu'ils disent de toute façon, ça fait 40 ans que ça dure, hein, donc voilà. 1979. Disons, oui, 1979, premier embargo de la part de signé par Carter suite à la prise en otage du personnel de l'ambassade américaine par des étudiants iraniens durant 444 jours exactement. Donc suite à cette prise d'otage, Carter avait signé le premier embargo qui a été levé au bout des 444 jours et qui embargo qui a été rétabli par la suite par Reagan, et puis par la suite le pays, enfin l'histoire des relations entre les États-Unis et l'Iran a été rythmée par ces embargos, ces sanctions, au gré des discussions diplomatiques et des tensions diplomatiques entre les deux pays. On a seulement en mémoire finalement la phase Obama qui serait la phase sinon de réconciliation, tout au moins d'ouverture réciproque. C'est la seule sur ces longues décennies de confrontation Iran-États-Unis, Magali Serre. Par rapport aux États-Unis, enfin l'Iran a toujours été l'objet de sanctions de la part des États-Unis. Il n'y a jamais vraiment eu de levée des sanctions. Par rapport à la communauté internationale, c'est autre chose. C'est-à-dire que la communauté internationale n'a pas toujours mis l'Iran sous embargo ou sous sanctions. Ce qui se passe, c'est qu'avec Obama, c'est véritablement une rupture dans la politique étrangère des États-Unis à l'égard de l'Iran. C'est une autre façon de voir l'Iran, de l'appréhender. C'est de dire, voilà, on va commencer, c'est ce qui est dit dans le film, hein, on va commencer par un accord et sur le nucléaire, et on espère que cet accord va permettre d'ouvrir le pays à l'économie, au monde, et va faire des petits, en quelque sorte. Faire de l'empirisme. Voilà, faire de l'empirisme. Donc c'était une autre vision, c'est une façon de ne plus voir l'Iran comme vraiment l'ennemi absolu aussi des États-Unis. Mais cette vision d'Obama a eu beaucoup de mal à s'appliquer concrètement, et au sein de l'administration américaine, il y a eu beaucoup de réticences de la part de l'administration américaine et des hommes politiques américains également, puisqu'il y a cette tradition d'opposition avec le régime des Mollahs, et c'est difficile de changer aussi les mentalités à ce niveau-là. Au premier regard, difficile d'imaginer que Téhéran subit les sanctions économiques les plus sévères de son histoire. Derrière la vitrine d'une ville moderne, les classes moyennes et populaires sont pourtant étranglées par l'envolée des prix et le chômage. Akram a perdu son travail en usine en 2010, lors de la précédente vague de sanctions. Aujourd'hui, l'histoire se répète pour cette mère de famille reconvertie dans la couture. Au quotidien, ces sanctions nous font vraiment souffrir. On ne s'en sort plus. C'est très difficile. Par rapport à il y a 2, 3, 4 ans, nous avons beaucoup moins de travail. Avant, on recevait des commandes d'un peu partout, mais elles ont beaucoup diminué, donc l'atelier est souvent fermé. Et notre salaire, lui aussi, a baissé. Nous n'arrivons plus à faire face aux dépenses de logement, à payer les frais de scolarité des enfants, les frais de santé. Moi, par exemple, j'ai mal au dos. Je devrais arrêter de travailler, mais je n'ai pas d'autre choix. Je dois continuer à travailler pour ne pas perdre le peu que je gagne ici. Votre documentaire, Magali Serre, revient sur l'accord signé par l'Iran et les autres puissances relatifs au nucléaire. Un accord, sinon déchiré, tout au moins relativement en pièces aujourd'hui, mais qui peut, on le sait, puisque le politique, c'est aussi l'inclination au relatif. suivant les élections, et là on pense évidemment à certaines élections prochaines outre-Atlantique en novembre, pourrait faire de nouveau rebasculer l'accord dans une bonne direction. Est-ce que, selon vous, cette chose-là est pour l'instant gelée, en attente, en stand-by, ou définitivement, compte tenu de l'avancée qu'opère l'Iran dans le domaine de ses recherches touchant au nucléaire, est définitivement derrière nous et sans possible retour en arrière? Alors, c'est difficile à dire. Je pense que un retour en arrière est encore possible. Le fait que l'Iran enrichisse à nouveau son uranium, c'est ce qui est dit dans le film, hein, c'est aussi une façon de faire levier sur la communauté internationale pour les pousser à réagir. Il se trouve que la communauté internationale, enfin l'Europe en particulier, mais aussi la Chine et la Russie, n'ont pas été capables de s'opposer aux États-Unis et de sauver les accords sur le nucléaire. C'est une réalité. Ils n'ont pas voulu s'opposer aux États-Unis, ils n'ont pas voulu subir les conséquences économiques aussi. Enfin, je veux dire, c'est les entreprises, les multinationales européennes, américaines et chinoises qui décident aussi aujourd'hui qui ont une influence sur la politique étrangère de l'Europe, de la Chine et de la Russie. Donc, je pense que ces accords peuvent encore être sauvés. C'est vraiment une question de personne, là. Si demain, Donald Trump perd les élections et que les démocrates sont au pouvoir, on verra quelle sera leur politique à l'égard de l'Iran. Mais un retour en arrière est tout à fait possible. C'est juste une question de volonté et d'appréhension. Magali Serre, peut-être que comme vous avez été surpris de la manière dont les entreprises, les pays ont d'une certaine manière mis le petit doigt sur la couture du pantalon vis-à-vis des ordres donnés par l'administration, et par l'administration tout entière, Donald Trump en particulier. Vous avez eu des échanges avec un certain nombre de protagonistes qui apparaissent dans votre film, notamment je pense au responsable directeur de Total, de la très grosse entreprise compagnie pétrolière Total. On entend bien les arguments qu'est-ce que vous voulez que je fasse face au... Mais se sont-ils dit à un moment, on pourrait regrouper nos forces et s'opposer collectivement au choix américain, au choix de Donald Trump? Est-ce que ça a stratégiquement à un moment traversé les esprits selon vous? Je crois que ce type de, enfin, les multinationales ne sont pas dans ce type de démarche, hein, ouais, concrètement. Pas de concertation. Elles pensent à leurs actionnaires, à leur rentabilité. Mais là, tout le monde y perd. Et elles vont perd. Pas se mettre d'accord. Enfin, je veux dire, c'est pas dans leur culture. J'entends bien, mais tout le monde y perd. Enfin, tout le monde y perd. Voilà. Et ça, mais c'est un problème politique. C'est à l'Europe, à la Russie et à la Chine de décider éventuellement d'engager un bras de fer contre les États-Unis. Politiquement, en mettant en place des mesures de rétorsion à l'égard des entreprises américaines. Rien ne les en empêche d'appliquer exactement le même type de réglementation et de sanctions et d'amendes. Pourquoi la France, l'Allemagne, ou même la Chine et la Russie ne sont pas capables elles-mêmes d'appliquer ce type de rétorsion à l'égard des entreprises américaines? C'est la vraie question. C'est parce que finalement personne n'y a intérêt, et que l'Iran représente certes un marché, mais un marché finalement anecdotique par rapport aux autres enjeux du marché mondial, et notamment du marché américain. Cependant, on le sait, la Russie n'est jamais très loin stratégiquement, et les derniers événements concernant le pétrole, incluant et la Russie et l'Arabie Saoudite, pourraient plus exactement faire de nouveau facteur de rééquilibrage. Tout à fait, mais de toute façon, si vous voulez, la Russie et la Chine par exemple n'engagent pas un bras de fer ouvert frontal avec les États-Unis. Mais derrière, il y a le soutien de l'Iran, hein, de toute façon, c'est évident. Et il y a du commerce qui continue à se faire, clandestinement. Tout ça, c'est un jeu de dupes. La Chine, par exemple, effectivement, a baissé ses achats de pétrole, mais continue quand même à en acheminer un petit peu. Mais ça, c'est un choix. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'attaquer frontalement aux États-Unis, d'autant plus que ces derniers mois ont été compliqués au niveau de la guerre commerciale engagée entre les États-Unis et la Chine. Donc, ils veulent pas rajouter un élément de tension dans cette situation déjà compliquée. Alors, vous voyez la partie Magali Serre en Iran, faire le tour d'un certain nombre de personnes. J'ai en mémoire une scène qui se passe dans une pharmacie, si ma mémoire est bonne, et puis où on vous... parce qu'évidemment, il y a des pénuries, comme on peut l'imaginer, de médicaments, de tout, mais notamment de médicaments. Et à un moment, l'une des femmes présentes dans la pharmacie vous toise d'un air de dire « on vous demande pas la moindre pitié ». Évidemment, je me suis dit, j'avais envie de vous interroger sur ça, c'est comment fait-on, quel type de patin on met sous des chaussures pour rentrer dans ces édifices au parquet fragile. Il s'agit de ne pas froisser les susceptibilités. Mais en fait, j'ai toujours eu le tournage a été très facile, pour tout vous dire. Ah oui. C'est que vraiment, la relation avec les gens de Téhéran et même ailleurs, hein, a été très simple. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ils font très très bien la différence entre les personnes et les politiques. Jamais on m'a dit c'est scandaleux, on s'en est pris à moi, quoi que ce soit. Au contraire, les gens étaient ravis de me voir, ravis de voir une étrangère. Enfin, mais en revanche, effectivement, quand ils voient une caméra, c'est les gens. L'Iran, c'est un pays de cinéma, hein, donc les caméras, ils ont l'habitude, il n'y a pas de problème. Ils savent exactement ce qu'il en est quand ils sont tournés, qu'ils font une interview. Et là, effectivement, c'est pas de la pitié qu'ils attendent. Ils sont dans la dénonciation. Ils ne comprennent pas. Il y a une impression d'avoir été lâché par l'Europe dans les pharmacies. C'est vraiment ça. C'est comment se fait-il que vous ne soyez pas capable de vous opposer aux États-Unis ? Il y a vraiment ce sentiment d'abandon. Et effectivement, il y a aussi du désespoir derrière, hein, parce qu'il n'y a pas de solution. Mais moi, en tant que Française, aucun problème. La caméra s'éteint, elle me serre la main, hein, la dame. Hein, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est il y a vraiment une compréhension fine du peuple iranien, à tous les niveaux, de ce qui est en train de se passer au niveau international. C'est ça qui est intéressant, je trouve. La pression exercée par le gouvernement américain sur la population iranienne, la poussant par cet embargo à se révolter contre son propre gouvernement, vous paraît-elle en mesure de fonctionner ? Ou est-ce que vous avez perçu au contact du terrain des gens qui en voulaient d'abord aux États-Unis, plus aux États-Unis qu'à leur propre gouvernement, et quelle part, évidemment, puisque dans toute société soumise à l'embargo, il y en a qui sont beaucoup moins soumis que d'autres et qui mangent à leur faim. Alors, première chose, paradoxalement, les gens en ont plus contre l'Europe. Contre les États-Unis. Ah, oui. Parce que de toute façon, les sanctions américaines, ils sont sous sanctions américaines depuis toujours. Bon, donc effectivement, là, elles sont particulièrement violentes, mais ils en veulent à l'Europe de n'avoir pas fait front contre les États-Unis et de ne pas avoir finalement fait respecter cet accord qui a été signé, encore une fois, c'est un accord international. Donc, il y en a plus contre l'Europe que contre les États-Unis, première chose. Deuxième chose, l'anti-américanisme, vous le sentez pas au quotidien. C'est un peu du folklore, tout ça. Moi, j'ai eu ce sentiment-là. Bon, effectivement, quand Rassem Soleimani, lors de l'enterrement de Rassem Soleimani, tout le monde ressort les drapeaux, on les brûle, etc. Mais il y a vraiment une chose de folklore derrière tout ça. Parce que les gens boivent du Coca-Cola, ne rêvent que de manger des hamburgers et de consommer des produits américains. Comme je le dis dans le documentaire, le iPhone 10 était sorti le jour de sa sortie mondiale. Je dirais, tout le monde ne rêve que d'en avoir. Vraiment, ils font la différence. Enfin, en revanche, moi, j'ai eu le sentiment que le régime est particulièrement détesté aujourd'hui, à tous les niveaux de la population, qu'il y a vraiment une détestation de ce régime. De la caste corrompue, des Pasdaran. De cette caste des Pasdaran, de cette. C'est un peuple qui a envie de vivre librement, très concrètement, et c'est un problème. C'est un problème de mafia aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un régime qui maintient cette chape de plomb sur la population. Tiens, donnez-nous un exemple justement des mécanismes de corruption, parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir un bon gros exemple. Par exemple, j'étais étonnée, à Téhéran, il y a de la construction de partout. plein d'immeubles se construisent de partout alors qu'on est sous sanction quand même. Donc, et quand le bâtiment va. Et quand le bâtiment va, tout va. Donc, je me suis beaucoup interrogée sur cette situation et on m'a expliqué, mais évidemment, c'est les passes d'Arran qui tiennent toute la filière de la construction, du bâtiment. Faut juste rappeler d'un mot, qui sont les passes d'Arran? Donc, les passes d'Arran, ce sont les gardiens de la Révolution. C'est une force paramilitaire, en quelque sorte, qui est sous l'autorité directe du guide suprême et qui est née avec la Révolution au tout début des années 80. D'autres explications, ça suffit? Non. On voit qui c'est. Donc, eux profitent pleinement. Et ils représentent, on a une idée un peu de ce qu'ils représentent numériquement, démographiquement. C'est un groupe qui représente une petite petite poignée. Non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et puis, c'est toujours pareil. Autour d'eux, il y a aussi des familles, des cousins. Enfin, je veux dire, ça représente... Il y a beaucoup de monde qui vit finalement de cette économie parallèle. Une économie qui se maintient grâce aux sanctions, qui se nourrit des sanctions. Donc c'est tout le paradoxe de ces embargos. C'est difficile de dire que les régimes vont tomber, que le régime iranien va tomber grâce à un embargo. D'autant que, au vu des dernières élections, il y a plutôt un phénomène d'épuisement et de non-révolte que l'on constate en Iran. Il faut dire également que les dernières révoltes, celles qui ont été tentées, une sorte de printemps perse, se sont tellement mal terminées que... Effectivement, tout mouvement de révolte est réprimé dans le sang. En novembre, il y a eu plusieurs centaines de morts, et c'était un mouvement massif. Un mouvement de révolte dans toutes les villes d'Iran. Et c'était un peu une émeute de la faim, en quelque sorte. La révolution des casseroles. C'était pas très politique, finalement. C'était vraiment une révolte contre cette situation où les gens n'ont plus rien à manger, n'ont plus de quoi se payer de la viande, du poisson, sont obligés de manger des pâtes tous les jours avec de la sauce tomate, concrètement. Donc, excusez-moi, j'ai oublié votre question. Oui, c'est-à-dire que pas de révolte possible et au vu des mécanismes des élections, une forme d'épuisement. C'est toujours pareil. Comment voulez-vous vous organiser politiquement et comment organiser une opposition quand vous ne savez pas ce que vous allez manger le lendemain? C'est compliqué. J'en parlais avec Jason Rezaian, qui est journaliste du Washington Post et qui a été très longtemps correspondant en Iran, qui a même été détenu pendant plus d'un an par le régime iranien. Il me disait, mais l'opposition en période de crise comme ça, elle n'existe plus. Les gens sont dans leur quotidien, sont dans la survie, et personne ne s'intéresse. Enfin, il n'y a pas possibilité de s'organiser dans ce cas-là. Oui, mais on peut. C'est à l'étranger que l'opposition s'organise, mais c'est une opposition qui est parfois plus qu'ambiguë. Plus qu'ambiguë et assez coupée de ce qui se passe réellement en Iran. Mais on peut opposer à cela le type de mouvement qu'on observe en Algérie, où finalement. Après des décennies d'écrasement, il y a venu d'on ne sait où un mouvement qui s'est créé, qui ne cesse de réitérer. Est-ce que, par exemple, à votre connaissance, en Iran, ils regardent ça quand même avec un peu de... Ils regardent ça, mais c'est, en Algérie, c'est né. C'est un mouvement qui est né des Algériens. Ouais. Là, on est dans une situation où finalement. Les Iraniens veulent aussi s'opposer à cette tentative américaine d'imposer ses vues. Donc c'est compliqué. Il y a aussi un sentiment nationaliste chez les Iraniens. Aujourd'hui, oui, il y a une forme de prise d'otage. Et c'est pire que ça. C'est-à-dire que moi, je connais des Iraniens qui ont voté Rouhani, par exemple, qui a été considéré comme un modéré et qui a obtenu la signature des accords sur le nucléaire. Aujourd'hui, ils me disent « je ne revoterai pas pour Rouhani ». Les modérés... On se tourne vers les durs. On se tourne vers les durs, ou alors on va pas voter parce que Rouhani n'a pas été capable de s'opposer à la ligne dure et que finalement les sanctions ont encouragé cette ligne dure du régime. Vous nous avez convaincus, Magalice. Il faut donc regarder ce documentaire que vous avez réalisé, dont vous allez nous rappeler le titre, s'il vous plaît. Embargo sur l'Iran, voilà, tout simplement. C'est à voir dimanche soir sur RTS2. Merci et... Merci. Au prochain. Oui.